et l'auteur Jean Barbe, donc, qui a donné une entrevue avec Myriam Laflamme. Cette émission est réalisée par Pascal Sévigny, donc à la semaine prochaine, même heure, même poste pour Radioscopie. Salut, c'est Léo Parleur et vous écoutez Choc FM. Hey, salut, c'est Peter McLeod. Hey, si vous avez pas encore goûté au sandwich de chez Dagwood, qu'est-ce que vous faites? Chez Dagwood, là, hey, ils font des sandwichs devant toi, puis là, ils mettent de la dinde, du jambon, du salami, comme tu veux. Hey, ils pognent pas ça dans des petits casseaux tout secs, ils arquent. Non, non, non, non. Ils tranchent la viande fraîche devant toi, puis là, ils te mettent la sauce Dagwood dessus. Dagwood, essayez ça, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est la place, c'est l'ambiance, c'est le wow. Il est la saveur Dagwood. Maintenant à Saint-Eustache et à la Chine sur Notre-Dame, angle 10e avenue. Vous êtes un peu tanné des 5 à 7 qui laissent à désirer? Alors venez au tout nouveau 5 à 7 de l'UQAM qui débute le 15 novembre à l'après-cour situé au pavillon Judith Jasmin. La pizza et les sushis sont gratuits et le premier drink est gratuit pour les demoiselles. Le 15 novembre, Bogart sera l'artiste invité suivi de la présence de la nouvelle Miss Hawaiian Tropic du Canada, Mylène Morin. Sur place, plusieurs concours et prix sont à gagner, tels que des certificats cadeaux chez Tattoo Lounge, Moto Piston, Manago, Underworld et Spa Scandinave. Soirée présentée par Kamouraska Vodka et Tattoo Lounge. Tous les fonds de la soirée iront à la Fondation Farah, chef de file dans la collecte de fonds pour combattre le sida. Venez en grand nombre, l'expérience ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer, bien sûr, parce que vous êtes à 70%. Et puis, ben, ça, vous ne serez pas jamais officiellement tant qu'on n'aura pas fait jouer notre gentil Twin Theme composé par l'invincible Israël, qui devrait partir maintenant. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marde en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Israël dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. 70%. Vomir, c'est la meilleure solution. On est à 70%. Aujourd'hui, on va avoir Chi. Et puis, bien sûr, le premier visionnement aux roquettes. J'ai des Halls. Merci beaucoup, Bruno. On a de Bruno, on a Damien et puis on a Israël Trudel-Denis en studio. Comme à l'habitude. Comme à l'habitude. Parle-moi donc, Damien. Damien. Bruno. Bruno qui va être notre lecteur de nouvelles pour ce soir. Sinon aujourd'hui, ben je vais parler un petit peu de quoi je vais parler. Je vais parler de Chi, bien sûr, Xenon. On va dire merci à plein de monde parce que c'est quand même un chapitre important qui passe ce soir. On va écouter Chi, je l'ai dit trois fois parce que c'est vraiment pas bon. Et puis ben on va commencer tout de suite par un petit excuse parce que la semaine passée, je voulais vraiment mettre la toune de Bonne Journée. Hein. Oui. Je me suis planté, j'ai mis Chose Fest là. Corrigan Fest. C'est ça, mais là on va l'écouter pour vrai, on va commencer l'émission avec ça. Puis on vous revient pour un bon show solide à 70%. Merci, Olivier. Ouais, c'est ça. Ça c'est la bonne. Là. Yeah. Non, ne risez pas des enfants pauvres qui ne pourront manger la soupe de demain. Non, ne risez pas des enfants pauvres qui ont des mouches qui disent j'ai faim. La poutine ou rien, le cheese à l'air, le pâté sort chinois, la toast de croûte au beurre, c'est le manger des crèves, la faim, des 10 doigts séchés qui vous tendent la main. Non, ne risez pas des enfants pauvres, mangez votre main le lendemain. Vous riseriez pas des enfants pauvres le lendemain, sur le cœur une seule main. Non, ne risez pas des enfants pauvres, aimez les pauvres enfants qui ne risent pas d'être pauvres. Performance, performance. On n'accepte rien de moins que 70% à 70%. Bruno. Oui, alors bonsoir. Alors ce soir en manchette, on parle de grève, du nouveau jeu de Mario et d'une révolution dans la technologie du sous-vêtement. Alors en grève, eh bien, on a eu finalement les résultats du loto grève UQAM. Une association en grève illimitée, deux associations en grève reconductible. Reconductible, pour, selon le dictionnaire, ça veut dire qu'on peut l'accompagner si elle s'en va, s'en retourne, en l'escortant, en la guidant ou en lui assurant un moyen de transport. Ensuite de ça, parlant de grève, il y a la grève des scénaristes à Hollywood qui bat son plein. Alors, cette semaine, les critiques ont descendu la grève en l'accusant d'être dénuée d'imagination, dérivative et un réchauffé d'efforts précédents par d'autres syndicats. Le magazine Variety l'a qualifié d'un dialogue répétitif et monotone et un groupe de personnages ennuyants ressemblant à des somnambules qui tournent en rond. L'actrice Jamie Lee Curtis dit supporter la grève, mais elle déplore l'incapacité de trouver un slogan meilleur que « Qu'est-ce qu'on veut? Internet. Quand est-ce qu'on le veut? Maintenant. » Ce sont des scénaristes, on penserait qu'ils pourraient trouver mieux. Notons qu'un scénariste principal pour la télé américaine gagne, dépendamment de l'émission sur laquelle il travaille, soit 31 000 $ par épisode ou sensiblement le même salaire par semaine. OK. OK, ouais. Ils font la grève parce qu'ils ont ça. Non, mais ça veut dire qu'il y a des vestons-cravates en sommet de chaîne qui se ramassent un mouton qui est absolument faramineux. Là. Ouais, exactement. Merci Bruno, c'était bien dit ça. Ouais. Sinon, ben là, on va écouter une séquence de Chi. Chi, qui est un film de 1982, pendant qu'en background, on a Liv Chieftain, je voulais filer naturel. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que ça se passe dans le futur? Chi, oui. On est dans un futur post-apocalyptique. Non. Après la grande catastrophe. Et les derniers survivants. Se ramassent en tribu barbare. Et donc, c'est un film de 1982 qui est réalisé par Avi Nesher, produit par Renato Dandy, et puis qui est distribué par Royal Film BV. Ça, ce qui veut dire au rendu, c'est que c'est un film italo-americano israélien. Okay, il y en a comment des films italo-américano-israéliens? Moi, j'en connais juste un, c'est Chi. On va écouter la première séquence ici. C'est quoi qui se passe? C'est qu'on établit vraiment les bases du récit. Le beau blond se fait dire par un personnage vraiment de second rôle qu'il a absolument besoin de la déesse blonde pour réussir à trouver le nord. Et c'est littéralement ça, le nœud du récit. Donc, on va écouter ça. Te voilà réveillé. Qui es-tu? Je suis ta belle-mère. J'ai survécu au chemin de croix. Tu vas probablement chercher à te venger, non? Je veux retrouver ma sœur. Ta sœur? La déesse ne s'en prend pas aux femmes. Non, ce n'est pas la déesse, mais des hommes, et non pas des eunuques. Et leur chef était tout habillé de noir. Il doit s'agir des norques nord-américains d'antan. S'ils ont enlevé ta sœur, mon frère, tu n'es pas prêt de la revoir. C'est les mêmes voix de traduction que dans l'homologramme la semaine passée, si je pense. Hein? Ben, je reconnais la voix de Bruce Willis. Car leur territoire est celui de l'horreur. Pas lui, là, l'autre. Je veux néanmoins m'y rendre. Voilà. Fais ce que tu veux, mais ne compte pas sur mon aide. Je peux te soigner, t'instruire, t'apprendre même la philosophie, mais pas t'y conduire. Et qui peut m'indiquer la route? Oh, je l'ignore. Chi, la déesse. Ouais, elle seule peut t'y conduire. C'est bien sûr S-H-E et non C-H-I-E, vous aurez deviné. On va aller un petit peu plus loin. Là, on comprend que le héros qui est blond, qui est fort, qui est musclé, qui est grand, veut sauver sa sœur qui a été kidnappée en début de récit par le méchant Hector. Hector, il est joué par Gordon Mitchell. Tantôt, chez nous, j'étais sûr que Gordon Mitchell, c'était un acteur qui est très mauvais, qu'on avait reconnu dans plusieurs films. Mais en fait, je me suis trompé, c'est Cameron Mitchell. De toute façon, on est un petit peu plus loin dans le film. Ah, c'est vrai, peut-être que je devrais présenter la séquence parce que ça vaut la peine cette fois-ci. Parce que là, le héros part en quête de sa sœur avec la déesse Chi. Sur le chemin, il rencontre, premièrement, les mutants irradiés. Quoi d'autre? Post-apocalyptique. Où veux-tu en venir, Kram? Je veux qu'à ton tour, tu saches ce qu'est vivre dans une tombe. Relâche-moi, Kram. Tu peux avoir confiance en moi. Ça, je n'en suis pas tout à fait aussi sûr que toi, déesse. Méfiez-vous des mutants. N'est-ce pas ta devise, déesse? Oublie-la. Ne sommes-nous pas voisins? Sûr. Sûr. Quand tout ce sable aura passé, je te renverrai dans tes terres. Laissez-moi passer. Ben, c'est ça le piège. Hein. Ce qui arrive, c'est qu'elle... Je vous prédis à tous les deux une mort horrible. Ce sont des experts en torture. C'est à peu près tout. Hein. Amusant. Très, très amusant. Ce que vous voyez pas qui est très amusant, c'est que la pièce dans laquelle ils nous enfermaient, ben, c'est des murs qui se recollent comme ça. Tu sais, des démeurs qui pourraient les écraser à un moment donné. Une espèce de gros compacteur à vidange. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Ah, c'est innovateur. C'est nouveau, nouveau. Comment qu'ils s'en sortent? Est-ce qu'il y a des pics, ces murs? Non, il n'y a pas de pics. Il n'y a pas de pics, mais il y a des indications. On va voir ça aux roquettes tantôt, bien sûr. Parce que je voulais mettre la toune de Chi en background. C'est qui l'auteur de cette chanson? J'ai pas. C'est pas indiqué? Non, j'ai pas fouillé. Ça sonne Tina Turner à rabais, là. Entre moi pis toi pis les micros. Oui, on s'en crisse. Voilà. C'est ça, je voulais utiliser de cette toune de fond-là pour présenter le fait que maintenant les visionnements sont aux roquettes tous les lundis. Oui, je vais en parler un peu d'ailleurs. Ah. Là, oui. Ben, vas-y, vas-y. Le roquette situé au coin Mont-Royal-Saint-Denis, au dessus du Quai des Brumes. Voilà. Ça va être excellent. On a tout installé pour pouvoir pitcher des gros acquis Venise en grand nombre dès maintenant. Voilà. Et jusqu'à la fin de nos jours, on va y aller. On espère bien, ou jusqu'au déménagement. Bon, là, ce qui est sûr, c'est qu'on va aller écouter une toune de Ray Stevens. Ray Stevens qui a écrit la toune The Gay Pirate Song, I Want to Sing and Dance. Vous allez voir, c'est un petit peu brain dead parce que là, on vient d'écouter une bonne toune de bonne journée. On va aller écouter du un petit peu plus vaseux. On vous revient juste après. Et là, on les entend souffrir. Mais bien sûr, on s'en fout. On va revenir juste après à 70% pour une autre dose de vraie valeur. Oui. Merci, Damien. Hein, tu chantes comme un dieu, man. Dieu. J'en suis huileux de pleurure. À tantôt. J'ai des croûtes. Et voilà. The scourge of the bounding main, the bloodthirstiest, black-heartedest pirate captain ever sailed the seven seas. What say we hoist the Jolly Roger, heel over to yonder Spanish galleon, lay a few broadsides of dinner timbers, and swing over on these ear lanyards with our cutlasses in our teeth, and cut them to ribbons and split the booty. What say ye to that? Yeah, yeah, yeah, yeah. I don't like it. You don't like it? I don't like it, and I don't want to do it. Tacky, tacky, tacky. And don't look at me that way. Well, if you don't like it, what do you want? I want to sing and dance. I want to sing and dance. I want to be silver buckle slippers and your tight shiny pants. I want to sing and dance. You want to sing and dance? Ha! Well, you don't like plundering, eh? Well, shiver me timbers, how about treasuring, huh? Rubies and emeralds and pearls, gold doubloons and British sovereigns, silver chalices encrusted with diamonds and jewels, necklaces and bracelets of every shape and size, fit for the crowned heads of Europe, eh? And all buried in a pirate's chest, and I just happen to know where. How about that, me bloodthirsty fuckholes, eh? I don't like it. You don't like it? I don't like it, and I don't want it. He don't want it. And I won't do it. I'm an artiste. An artiste? Well, Mr. Artiste, what do you want? I want to sing and dance. I want to sing and dance. I want to be a pirate in the Pirates of Penzance. Wear me silver buckle slippers and me tight shiny pants. To sing and dance. Now listen here. This ain't no floating Gilbert and Sullivan show, you know, for some little flitting Tinkerbell. This here be a black-hearted pirate ship, and I would have you keel-hauled if you weren't my own flesh and blood, you little twit. So you don't like plundering, eh? I don't like it. You don't want no treasuring, huh? I don't want it. And you probably don't want no grogging and rifling and winching. Je pense que vous commencez à avoir compris le concept. Hein? C'est des pirates qui essaient de convaincre un de leurs amis qui a d'autres habitudes et d'autres envies de devenir bloodthirsty. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va skipper à une petite séquence avant que moi encore je prenne le contrôle des ondes puis parler des affaires qui m'intéressent. Mon père étudiait un projet depuis plusieurs années afin d'extraire de l'essence des pommes de terre. Ce qui éviterait la consommation onéreuse du pétrole et faciliterait la circulation de toutes les voitures sur la Lune. Et nous donnerait davantage de place. Monsieur Chase, ce n'est pas de la blague. Non, non, vous voulez dire que votre père s'est fait kidnapper à cause des pommes de terre? Pendant ses recherches, mon père a découvert que le produit était dangereux et pouvait également être employé comme drogue qui, une fois administrée dans le corps, supprime le contrôle du cerveau. Là, ils viennent de faire le lien entre les patates puis le contrôle du cerveau puis le pétrole planétaire sur la Lune. En tout cas, ça n'avait pas rapport, bien sûr, avec She. Ce n'était pas dans She. C'est un extrait de James Ryan. Je ne sais pas trop c'est quoi le film. L'île du Prince Édouard deviendrait un état-major. Mais crème, hein? Imagine, tout puissant. Hey, non, mais là, on vient d'en parler, puis on va en reparler dans le futur. Mais c'est sûr que là, je vais me péter de la broue un peu. Bien évidemment, c'est moi, Tommy Godette, qui ai l'honneur d'être l'hôte des visionnements de douteux. J'ai jadis débuté à Rouyn-Noranda. Et puis ensuite, un épisode fâché au Grimoire, au Saint-Cyboire. Ensuite, dans les locaux de choc, deux fois au Grimoire. Puis à partir de ce soir, puis jusqu'à mon décès ou déménagement imprévu, ben ça devrait se faire au Roquette, coin Mont-Royal et Saint-Denis. Ouais, c'est un peu plus loin de la radio, mais les spéciaux sur la bière, l'intérêt marqué des patrons pour la chose questionnable, le gros projecteur et le doux fait que l'on va pouvoir aller lancer des haquis ou autres projectiles catharsisants en sapristi, ben ça a tout fait pencher la balance dans ce sens-là. Cela dit, c'est plus par souci de remerciage que de surinformation que je voulais, par cette missive-là, ben vous taper sur les nerfs un petit peu. Simon Chénier, Israël Trudel-Denis, Benoît, Olivier WG, David V, ben c'est tous des David V, en fait, le downloader de première, c'est tous des amis qui m'accompagnent chaque semaine dans cette aventure aux limites du culturel. Ben, dans ces noms, Simon Chénier est celui qui mérite le plus d'applaudissements. À lui seul, avec l'aide de son ordinateur et de son VHS, il m'a fourni plus de 100 films hautement discutables en glorieux français. C'est grâce à lui, si ce soir, au Roquette, vous allez pouvoir vous défouler en insultant Xénon, Chi et toute la bande d'incapables qui peuplent cet univers post-apocalyptique à l'esthétique discutable. Oh, et si vous amenez vos propres acquis ou petits toutous, rien de solide, parce qu'il faut pas percer la toile, mais à partir de là, le choix est possible, et très plutôt grand, vous pouvez les amener puis les garrocher dans Xénon. Et non. Donc, à ce soir, et merci Chénier, continue ton bon travail. Ça fait du bien. On va passer aux nouvelles avec Bruno. D'accord. Alors, à part de tout ça, cette semaine, des journalistes israéliens ont créé un argument diplomatique en envoyant un e-mail au consulat hollandais. Il voulait discuter une visite aux Pays-Bas, mais ne cessait de poser des questions impolies sur sa mère, dans le genre de « Bonjour mon ami, la mère, votre visite en Israël, dort à la faveur ou dans le lit, votre esprit, sur le conflit son israélo-palestinien et sur le relationnel Israël-Hollande. » Et ça continue comme ça avec 5 questions incompréhensibles sur sa mère. Il semble que le site internet Babelfish ne traduit pas l'hébreu. C'est pas pire drôle, ça. Non, mais sinon, on est rendu à quel moment dans la vie, là? On est rendu au moment où on va écouter d'autres séquences de l'incroyable Chi. Bien sûr, avant d'aller avec Damien. Son nom de famille, c'est quoi? C'est DS. Mais en fait, son prénom, c'est DS. Puis son nom de famille, c'est Chi. C'est DS Chi. Il l'appelle tout le temps comme ça, là, puis entre moi et toi. Hein. Yes. Comme d'habitude. Donc là, on est passé au travail des mutants irradiés. On est rendu à l'étape très démoniaque des vampires hautement elfiques. C'est elfique en Christ. Si nous composions un poème à l'honneur de cette journée. Oh, j'aimerais, mais je n'ai pas ton talent. Avant que le manteau pourpre de la nuit protège nos corps gorgés d'envie, prions pour que le temps s'arrête sur nos cœurs en fête. La vie est l'ennemi de l'ennui. Aussi nos corps unis par la même passion vont-ils vibrer d'une douce et tendre émotion. Mes lèvres avides du goût de tes baisers vont te dire la fougue et l'ardeur de mon désir. Ah. Hey, j'ai envie de lancer des affaires dans une fenêtre. Voilà un endroit où il fait bon vivre. Et voilà le commentaire des héros. Bien sûr, ils arrivent au paradis terrestre. Un petit peu plus tard dans le film, c'est-à-dire à 44 minutes 25, on va aller rejoindre le héros qui rencontre encore d'autres personnes bizarres dans ce futur post-apocalyptique. Je l'ai baptisé Gadon Blaine. Je sais pas si vous connaissez David Blaine. Il a tendance à s'aimer, là. Mais c'est un petit peu à ça que ça ressemble vraiment, cette séquence-là. On va retourner dans Chi pour l'épisode où Chi, la déesse, rencontre Gadon, le dieu sur Terre dont on n'a rien à faire. Big dieu, à genoux! À genoux devant Godan. Je refuse et n'ai pas à me prosterner. Tu t'exécuteras comme les autres ou je te fais supplicier. Je ne crains rien et je refuse de me prosterner. Et voilà, c'est Chi, c'est des bons, mec. On les tue. Et moi, je dis arrêtez. Ça, c'est Gadon. Retenez-vous avec les jeux de mots, on les a tous en tête, c'est correct. Qui êtes-vous? Je suis Chi, déesse et reine des Uriques. Tu es poussière, déesse du néant. Je vais t'apprendre. Tu vas me lâcher. Tu vas me lâcher. Lâche-moi. Là, c'est vraiment, vraiment. Là, il faut que je l'explique. Il y a du monde qui rit en background. Là, je veux dire, ce qui arrive, c'est que David Blaine, Gadon, pardon, tient dans les airs la fille en utilisant ses pouvoirs télékinétiques qui fait que ses yeux sont verts puis qu'il est dans un freeze frame. Et puis, la fille est comme accrochée sur un câble puis elle répète tout le temps la même affaire. Elle est comme prise dans un loop. On les connaît à peine. Et puis là, ben, à partir de là, les héros font une stratégie. Ils essaient de se diviser, de se dissocier d'eux autres pour après ça aller les sauver un petit peu plus tard. Bien sûr, ils vont réussir à s'en sortir parce que c'est les héros, sinon ça serait plate. On va aller un petit peu plus loin pour une dernière séquence parce que, bien sûr, avant d'arriver au nord où le méchant Hector, le chef des Norks, a kidnappé la fille, ben en fait leur sœur, aux deux héros, on a bien sûr la séquence du bébé cannibale et de notre ami le savant fou qui fait des expériences épaisses. On va savourer ses aventures avec lui, après on va aller en chanson puis après on va revenir pour la suite de l'émission. Libérez-moi et je vous récompenserai. Mais vous êtes ma plus belle récompense. Ce que je peux vous offrir est bien plus précieux. Que d'honneur, vous me flattez. Et que m'offrez-vous? Le diamant vert. Tu ne peux pas, arrête, tu n'as pas le droit. Chut, le diamant vert. Ça ne vous tente pas? Le diamant pas avant vert. Le diamant vert. J'en connais deux. Un est détenu par Ratan, le dieu des Norks, et l'autre appartient à... À moi. Elle peut aller vous le chercher. Ah, voilà une proposition qui ne se refuse pas. Je vous libère. Rudolf. Là, vous allez le voir quand vous allez être au Croquette. Rudolph, c'est un espèce de clone de Bud Spencer qui est habillé en tutu. C'est quand même quelqu'un qui reçoit des ordres de la part du savant fou. Parlant de Bud Spencer, on va aller écouter Oliver Onion et puis la tune thème du film Père et impère, Paris et disparu. Vous allez voir, ça s'appelle Brotherly Love. C'est un petit peu elfique, ces bars. Oh non. Ah, je te jure. On va revenir à 70% pour d'autres aventures. Pas vrai, Damien? La candidate conservatrice dans Hall Elmer a dévoilé ses priorités aujourd'hui lors d'une première rencontre avec la presse. Pierrette Bellefeuille souhaiterait la construction de logements à prix modique dans la circonscription et la réalisation du Rapibus. Elle promet également un meilleur développement touristique de l'Outaouais. Voici à ce sujet un extrait d'une entrevue que Pierrette de Bellefeuille a accordée à notre journaliste. Il faudrait travailler avec la CCN pour développer des projets touristiques C'est ça. Comme quoi, par exemple? Bien. Comme quoi? Ben, des projets touristiques. Il y avait Luce Dufault qui chantait « Viens ton don, on est à Écoutez, je dois quitter, alors je vous remercie beaucoup, madame. Et voilà, c'est la fin de l'entrevue. Ouais, c'était du solide, du concret. Donc, on va mettre notre petite trame sonore de fond. Oui. C'est à moi, OK, bon, ben, parle-moi, Damien, parle-moi, impressionne-moi. OK, ben, bonjour, mon nom est Damien Blaise-Bouchard. C'est la première fois que je suis invité collaborateur à l'émission 70%. J'ai connu Tommy dans le temps qui faisait, comment ça s'appelait ton autre show avant? C'était La Cour à Scrap. La Cour à Scrap qui était à peu près... C'était pas mal pareil. Pas mal pareil. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça. Moi, ça fait un bout de temps que je te connais. Tu me nourris d'extraits de marde. Puis aujourd'hui, c'est mon coming out de marde. Ça s'appelle Dominique en forme. Oh. Qui, en fait, un album qui est à l'écran en plus, hein, parce qu'on est filmé. On est filmé aujourd'hui. Et qui est un album d'exercice. Et je cite, Dominique Michel a 50 ans. Elle est vraiment, elle a un beau corps. Et puis, avec sa verve habituelle, elle a voulu faire partager aux femmes de tous âges les bienfaits des exercices physiques qui la tiennent en forme. Et bon, ben, ça passe par toutes sortes d'affaires, merengue, coco bongo, cha-cha-cha, tout ça. Et j'aimerais ça vous dire aussi pourquoi c'est de la merde. D'un, c'est occulte et mystérieux. Je pense pas que Dominique Michel en parle souvent quand elle est en entrevue qu'elle a fait ça. C'est nouveau, mais c'est vieux. Ouais. Jamais vu rien comme ça, mais c'est vieux. Date de... 1982, j'étais pas né. Oh boy. Hein? De trois, ça remet en question l'univers. Je sais pas pour vous autres, mais moi ça le fait. Et ça procure un rire nouveau. Ah, c'est frais. Oh. Un rire nouveau que ceux qui sont adeptes de la marde sont les seuls à connaître. Et sur ça, j'aimerais ça entendre un peu Dominique nous citer. Donc on va faire ça pour la première fois. On joue un vinyle ici. Quelque chose qui fait. Et là-dessus, j'ai un poème. Dominique. Tu me regardes, je ne suis plus qui je suis. Voilà, tu te plies, tu te déplies. Tu me regardes, flexible, tu es toi. Informe, ma dom-dom, ma Dominique en forme. Ah, c'est beau. Damien, c'est mon nouveau meilleur ami. Il est vraiment fort. Est-ce qu'on peut l'entendre plus fort? Oui, on va écouter un petit peu. En haut, en bas, en haut, en bas. Elle a un body style américain à parole, rouge, avec des bas rouges. Ouais, elle a 50 ans, c'est ouais. Dominique. J'ai une question pour toi, mon Damien. Merci. Est-ce qu'il y a un walkthrough dedans? Genre des moves là, qu'il faut que tu fasses, genre dans la pochette? OK, ben, ça commence face A, réchauffement, bras, taille, face B, abdominaux, jambes et hanches. Après ça, on rend rendu à fesses et on finit par relaxation. Comme à la fin du cours d'éducation physique. Ouais. Puis si t'es d'accord, Tommy, je pense que je vais le mettre en concours. Puis je vais l'offrir à celui qui fait une telle ou telle affaire. Mais je pense que je vais le mettre en gage comme un prix pour l'émission 70%. Ben, peu importe ce que j'ai à faire, je vais le faire. Là, t'es conscient? OK, ouais. OK, fait qu'on parlera de manger des matières fécales tantôt. D'accord. Pour l'instant, on va écouter Bruno qui va nous parler de ça. Ben, peut-être qu'on peut écouter encore un petit bout de. Ouais, dom-dom. Bon, on va écouter un petit en bout. Bas. Regarde ta nouvelle show, toi. En bas, en haut, en bas, en haut. Elle dit jamais en haut deux fois de fil. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, encore en haut, en bas, en haut. Chance qu'elle est là. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Pensez-vous qu'elle fait les exercices pour vrai pendant qu'elle s'enregistre? Oh, oui, oui, oui, oui. Bon ben, on va mettre encore la petite tourne de fanfare qui annonce la nouvelle la semaine. Et le genou doit plier. Soyez courageuse, on y va. Courageuse. Alors, je sais pas si c'est la nouvelle de la semaine, mais je vais faire un lien. En parlant d'esthétique corporelle, vous voulez un six-pack d'abdominaux mais être trop paresseux pour faire des sit-ups, qu'à cela ne tienne. Vous pouvez maintenant, pour la somme nominale de 7 000 $ US, vous faire une gravure abdominale. C'est un genre de liposuction de précision qui suce le gras à des endroits stratégiques afin de donner l'illusion du six-pack tant convoité. Donne-y une tape. Ça sculpte. Donne-y une tape, encore. Ce que tu veux dire, c'est que ça sculpte le gras. Ça sculpte le gras, exactement. Okay. Sculpteur, on dit. Ah ben. Sculpteur. Ah ben. Donne-y un autre. Ouais, c'est vraiment dégueu comme nouvelle. Ça fait mal. Ça, t'en as-tu une autre de même ou? Pas aussi dégueu, là. J'en ai une autre petite, si vous voulez. Ben oui. La tour de Pise n'est plus l'édifice le plus penché au monde. Et oui, effectivement, le clocher d'une église dans le village de Suruzen, en Allemagne, a officiellement battu le célèbre monument italien. Le livre des records Guinness a confirmé le prix après que leurs officiels aient mesuré le penchement à 5,19 degrés comparativement aux 3,97 degrés de la tour de Pise. Ben, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui est déjà allé à Pise? Non. Ben, j'aimerais ça, non? Non, OK. Ah. OK. Ben, je pensais que t'en parlais parce que t'étais déjà allé. Non, je voulais juste savoir comment c'était. OK, à quel point ça valait la peine d'en parler tout le temps, mettons. Ouais. Est-ce qu'on peut monter dessus? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? Non, on peut plus. Ah, on peut plus. Non, trop dangereuse, man. Pourquoi qu'il y a la garde? T'as raison, il devrait faire un parking. Mais non, mais c'est pas... C'est... C'est dilemme culturel. Voyons donc. Fait que là, tu voulais dire quelque chose, toi? Non, c'est beau, vous m'avez outsmarté. OK, ben, tu veux-tu que... C'est parce que ça serait pas pire de parler d'autre chose. Je pourrais parler du plus beau but que j'ai vu. Oui, pardon, vois. C'est moi. Tommy, s'il te plaît. Veux-tu, à moi et aux charmants 50 000 auditeurs, nous raconter le plus drôle but que tu aurais jamais vu? Oui. C'est, avec plaisir. En fait, c'est un but de Donald Brashear dans le temps qu'il jouait pour les Canucks de Vancouver. C'était contre les Islanders de New York. On est en prolongation. Le prochain but gagne le match. Là, Donald Brashear reçoit, à cause d'une erreur du gardien, reçoit la rondelle entre les deux cercles de mise en jeu à la hauteur de la ligne bleue. La boîte. Dans la zone privilégiée de Penneau, on pourrait dire, mais un petit peu plus loin. Fait que là, le but est dégagé parce que le goaler est rendu dans le coin, là. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un défenseur qui est probablement en train de s'en venir, mais qui est à l'autre bout, tu sais, il est vraiment dans l'autre coin. Fait que là, Brashear s'élance. Là, il snap. Là, la rondelle s'en va tout croche. C'est vraiment tout croche. Mais là, finalement, heureusement, parce que c'est un but, il y avait la face du défenseur. Le défenseur a reçu la rondelle en plein visage. Là, la rondelle commençait à glisser doucement vers le filet. Pendant que le défenseur s'effondrait d'avoir reçu une garnotte en plein face. Là, le goaler commence à patiner, fait nu. C'était dramatique, là, tu sais, dramatisé. Puis finalement, ben, il a vraiment pas été capable de l'attraper. Donc, selon moi, le but de Donald Brashear qui a passé par la gencive du défenseur adverse en prolongation. Il y a eu un nu de gardien. du gardien, c'est ça, il manquait de rien. Là. J'étais pas mal crampé. Je comprends pas pourquoi je l'ai jamais vu sur YouTube encore. J'allais chercher un peu, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Brashear, lui, est surtout reconnu pour se battre plus que d'envoyer des rondelles dans la face du monde. C'est tellement vrai. Hey, ouais. À ce moment-ci, on va écouter soit une toune de D Natural qui s'appelle Hey Boss, ou soit une toune de Casey LMNOP qui s'appelle Doug Babylon. Casey. Oh, on choisit Casey. Ouais, Casey. Checkez bien avant, je veux la faire. Comme ça, tu veux un gun. Tu trouves ça le fun, hein? Doug Babylon, maintenant que t'as un gun. Chrome 2, clip une boîte de balles, puis là, tu tripes. Tu cherches un power trip. Clic, clic. Fait qu'on y va. Un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Chrome 2, clip, une boîte de balles, là tu tripes. Tu cherches un power trip? Clic, clic. Tu passes la journée à jouer avec, à laver, à planifier ton premier hit. Comment tu vas sortir? Comment tu vas agir? Hey les enfants, je suis prêt! Tu sors dans tes affaires. Monte en haut, dis hello à ton père, ta mère, ta soeur, ton petit frère. Fais ta prière, mange ton souper, ton dessert. Puis tourne en bas, jouer avec ton revolver. Mets les balles dedans, tu te prends pour Lucifer. Tu regardes dans le miroir, pis bam! Sans savoir, t'appuies sa gâchette. La balle fait un ricochet. Là, tu capotes, tu sers ton gun. Monte en haut en hypocrite, sous prétexte que tu sais pas ce qui s'est passé. Mais ta mère est couchée par terre, avec une balle en tête. C'est bête. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylon, maintenant que t'as un gun. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Tout le monde dans ton quartier en a un, fait qu'un de plus ou un de moins, ça change rien, cool. T'achètes un 38 avec deux clips, mais tu tripes pas. Tu dis à personne, ce 38, c'est à toi, pour toi. Tu te prends pas pour le roi. Tu veux juste que personne prenne ce qui est à toi, puis je comprends ça. Fait que tu commences à le porter sur toi partout. Si tu vois, ton attitude change un peu, t'as confiance en toi. Tout est pour le mieux, sauf avec ta blonde. Elle veut pas que tu te promènes avec un gun. C'est normal qu'elle bougonne, c'est ta blonde. Fait que t'accordes, tu vas la voir. Tu l'amènes à quelque part pour y montrer comment ça marche un gun. Tu tires deux, trois coups, elle tire deux, trois coups. Elle aime toujours pas les guns, mais elle trouve ça le fun. Vous faites l'amour dehors, à côté sur le char. Puis là, ta blonde veut tasser le gun. Elle pointe par mauvais bord. La dernière balle la perd fort, elle tombe par terre, elle pleure. Vu que c'est pas un film, elle meurt. Elle puis bébé parce qu'elle était enceinte de toi. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun. Tu veux tes respects, tes props, comme Tupac. Fait que tu prends le boss avec ton Glock. Tu dévisages tout le monde sur ton passage, sauf les cops. Tu rejoins ton cours, rendez-vous, tout le monde armé, des douze coupés dans des étuis à guitare, des machettes, des guns. Je me suis réveillé tard à toi, Rétri. As-tu amené de la bière? Pourquoi? J'ai envie de boire. Toi, puis ton coup, faites les fous. Personne vous teste, vous êtes ben trop fous. Mais là, y'a un autre coup qui rentre dans le métro. Le monde se dévisage, se regarde. Qui va brancher le premier? Qui va commencer le carnage? Miracle, personne parle. Hey, prochaine station, Père et UQAM. Ouf, ça sent la cam. Puis bang, tu perds ton cam, ça ton âme parce que quelqu'un regarde ta dame. Tout ton bouche à massacrer, criblé, tiré, placé, les derniers. Tu t'es pas encore fait tirer, mais n'a plus de balle. Tu regardes le gars droit des yeux, tu sais que tu vas mourir juste parce que t'as voulu jouer au dur. Bon, là tu fais dur. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Puisque nous aimons vraiment beaucoup l'œuvre de Trunk 25, je vais relater des paroles très doucement tel un poème pour qu'on saisisse vraiment bien le sens de ces paroles. Alors ça va comme ça, 1, 2, 3. Trunk 25, on est les gangsters de la marne. Tu me cherches, je vais te mettre une crotte à exploser dedans ta boîte à mal. On chie sur le monde qui pense qu'ils sont médiévales, puis fuck les fags médiévales qui portent la cotte de maille. On est les rois de l'étron et sexy team bébé. On veut pas te faire l'amour, on veut juste te fourrer. Shit love bitch, on est les gangsters de la marde, représentants de l'étron, fait qu'attention où ce que tu regardes. Trunk 12, Trunk 13, on est venu pour vous chier dans gueule, pis si t'affarmes pas ta gueule, on va t'affarmer à coups de bite dans gueule. Je vais t'en chier un gros brun, dans le blanc des yeux. Si t'en veux deux, t'es mieux de me sucer la queue ou ben ma marde reste chez eux. Les gens disent que je suis dangereux. Serait-ce parce que je leur ai chié dans les yeux? J'espère que non, parce que c'est une marque d'affection envers eux. Si les rumeurs sont vraies, bitch, je vais te fourrer dans la gueule. Ma marde arrive, est-ce que tu l'entends? Il y a des chances que oui. Je te chie sur le tympan. Quand je me vide le cul, toi, tu te salis des dents. T'as un target d'en face, fait que mange ma marde, ma sacrament. On est des gangsters, on te chie dessus. On est des gangsters, marde, marde. Ma marde arrive, est-ce que tu l'as dans la gueule? Il y a des chances que oui, je te chie dans la gueule. C'est tellement beau. Hein? C'est tellement ça. Je pense que je vais le faire une fois ou deux semaines. Ben, en tout cas, une fois de temps en temps, ça remet les vraies valeurs aux bonnes places. T'as-tu appris celle aussi qui dit « Je ne suis qu'un barde, je ne suis qu'un barde ». On la connaît pas. Trunk 25 sur MySpace, mesdames et messieurs. Sinon, ben pour l'instant, on va retourner à Chi pour probablement la dernière séquence. Ben il en reste deux, là, mais celle-là c'est la dernière, la plus importante. De mon propre chef, jadis, j'eus le réflexe pertinent d'exclure Xénon de la caste de simple troisième rôle pour le déplacer vers celle de réceptacle à coups de pied professionnel et unique. Il faut dire que, à la base, les douteux de la grande famille des post-apocalyptiques ne contiennent que très peu de dialogues. Mais c'est une constante. Tous les douteux post-apocalyptiques mettent en scène un héros patibulaire qui ne parle presque pas, un élément comique qui jase à la place du héros qui ne parle presque pas, et puis une pitoune, parce qu'il faut qu'il y en ait une. Mais Xénon, lui. Xénon y apparaît pendant 3 minutes, à la 71e minute. C'est sûrement par comparaison du fait que le silence régna pendant si longtemps avant son arrivée que son évident désir d'être haï foudroie encore plus. Je sais, il tape volontairement ses nerfs. Il fait exprès pour se faire haïr. Mais bon, il a, dans mon cas, assez bien réussi pour que je lui octroie de mon plein gré et sans en parler à personne le douteux d'or du personnage qui tape le plus sur les nerfs de tous les personnages de cinéma que j'ai croisés. Sans rien enlever à Jake des Twin Dragons moustachus, à tous les personnages de Lorraine Avedon, à Don Sweezy, qui joue le frère de l'autre, le Don Sweezy, le frère de Patrick Sweezy, qui joue le rôle du redneck dans Digital Man, ainsi qu'au célèbre numéro 9 dans RoboFlick 2. Sans plus tarder, on va aller tous ensemble essayer de se retenir pendant qu'on va écouter la séquence de Chi avec Xénon l'Infect. C'est émotionnel. Ah, je le hais. aujourd'hui, il faut savoir tout faire. Être ou ne pas être. Mais comme personne ne me le demandera, pourquoi se poser la question? Au pont de la rivière Kwan, les Xénons sont prêts pour l'assaut. En première ligne, les plus braves des Xénons. En seconde ligne, les Xénons un peu moins braves. Et ainsi de suite. Aussi, n'attendez pas que les derniers soient passés. Mot de passe. Là, c'est le héros qui veut passer sur le pont. Sans mot de passe, garde ça passe pas. Mais comme t'es beau garçon, je ferai une exception. Et puis t'es blond, alors je dis que ça doit être bon. Quel est ton petit nom? Ah, tu es muet. Eh bien, sans mot de passe, on ne passe pas. On me remet toutes les devises étrangères. Et on se déshabille pour la visite. Non, mais celui-là, il me les brise. Qu'est-ce que c'est? Xénon a le pouvoir de régénérer les affaires qui touchent. Comme là, le héros a cassé son bâton en deux, puis là, Xénon l'a tenu, puis ça a fait deux bâtons. Mais quand je touche, je touche. Mais non, je vais pas te faire de mal. Et puis, t'es beaucoup plus fort que moi. Tu ne traverseras pas mon pont, puisque tu n'as pas voulu me dire ton prénom. Que le bras m'entende. Là, le héros était tellement tanné qu'il a coupé le bras. C'est ça qui est arrivé? Ouais, ouais. Mais là, Xénon a le pouvoir de se régénérer. Fait que vu qu'il y a un bras qui vient de tomber, ça fait deux Xénon. Comme un verre de terre. Et vous là-bas? Fait que là, ça tape ses nerfs en double. Fait que là, il décide de décapiter. C'est pas bon de tricher. Tu seras puni pour ça. Mais tu as tué mon petit frère. Ça fait plein de petits Xénon. Il l'aime de plus en plus. Là, on est à deux. Il fait des rimes, là. Il fait tout le temps ça, man. Un autre? La famille! À la rescousse! À l'attaque! La ligne d'avant est irrésistible. Et c'est une armada qui fonce sur l'ennemi. Et pour les épinards, vous inquiétez pas, il y en a un gars. Il fait son propre commentaire. Ouais, il parle à personne. Et comme karaté, il y a un car et attaqué. Hip hip hip! Hourra! Hip hip hip! Hourra! Notre pont est notre pont. Et s'il veut nous prendre pour des cons, on va lui filer une leçon. C'est un peu comme un genre de Cyrano du film de merde. Pas mal. Ouais, vraiment, là, c'est le Cyrano de Guttural. Là, le héros est vraiment tanné, fait qu'il dépaisse toute la gang. Là, il était 4. Il va être rendu 8 après. Je pense qu'on commence à comprendre la symbolique. On va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire à 1-15-12 pour encore une fois subir la fadeur extrême de ce personnage au tréfonds. En tout cas, c'est dur de trouver des mots. Puis vous le voyez pas, là. Il est habillé en marin, là. Moi, je roule des mécaniques. Avec de la frange. Et ce mec, j'en ai plein la pastèque. Puis un œil de pirate. Aussi, s'il veut se tailler en douce, on va lui montrer qu'on a de la ressource. Des petits gars blancs. Les York, c'était ceux de New York. Là, il est moi, seul. J'ai jamais pu y respirer. Il parle aux j'ai herbes. Eu les grands espaces. C'est comme à la Kazoo qui parle aux tout petits. Hein, ah, vraiment, ouais. C'est le meilleur exemple à date. Puis à la casu, puis vous autres, il y en a vieilli. Il y en a là-dedans. Et les femmes, elles m'enflamment. L'essayer, beauté, c'est m'adopter. Je suis à poil et à vapeur. Il est pas mieux que mort, mon gars. Là, on va skipper la séquence où les boss des méchants passent en chevaux puis que les héros se cachent avant de retourner affronter. Je suis Yankee Doodle Dandy et on doodle et on ne passe pas sans mot de passe. Les nous voudrions passer de l'autre côté. Pour passer de l'autre côté, il faut que je vois, jolie pucelle, ce que vous avez sous la nacelle. Oh, je suis un connaisseur en la matière. Quelqu'un d'autre est-il passé avant nous? Avant vous? Avant vous? Mais pour qui me prenez-vous? Pour que quelqu'un passe avant vous? Vous me plaisez, j'avoue, mais lui, ça m'ennuie. Elle, d'accord, mais vous, pas d'accord. On s'aplatit, je vois mon petit. On s'est pas fait mal au petit doigt. Oh oui, pas moi, j'adore ça. Mais fais-moi mal, mon mal. Calte! Ça supplie, ça envoie des sacrés. J'ai peut-être un con, mais faut pas me prendre pour un con. Bon, ok, là, ça va être assez. On va aller écouter Tiptoe Through the Tulips. Ça va être la dernière chanson de la journée. On va revenir pour l'amour de la fin et les dernières nouvelles de vidéo. Et je vous détruis pas! Oh merde! Il commence à couper des bras, fait que ça fait plus de Xénon et on adore ça. Fait que Tiptoe Through the Tulips, ça vient de Tiny Tim, c'est le gars qui s'est déjà fait appeler le roi du ukulélé. On va lui tomber dessus après raccourci vous allez voir, à cette tourne berlue. C'est un homme. Vous me cherchez, vous allez me trouver! Par-dessus bord, petite tapette! Tiptoe through the window, all the window. Lips with me. Oh. Francis Cabrel sort un nouvel album, la sortie c'est demain. Michel Drucker l'a interviewé pour nous. Magnifique, Francis Cabrel donc sort un nouvel album, il est magnifique. Francis a un parcours étonnant, c'est un personnage hors norme. Alors Francis, quels sont les thèmes de ton nouvel album ? Les cailloux. La rivière. Et les cailloux au fond de la rivière. Et l'eau qui coule sur les cailloux. Et aussi la lune qui se reflète dans l'eau de la rivière qui coule sur les cailloux. Magnifique. Et à part ça, Francis ? Les chemins. Les chemins pleins de cailloux qui mènent à la rivière. Magnifique, quelle poésie. Et à part ça, Francis ? Les arbres. Les arbres au bord du chemin plein de cailloux qui mènent à la rivière, des cailloux du chemin, des cailloux de la rivière. Quelle imagination, Francis. C'est complètement différent de tes autres albums. On comprend pourquoi tu mets autant de temps à les faire. Oui. Et à part les cailloux, les arbres, les chemins, la rivière, est-ce qu'il y a d'autres thèmes que t'abordes ? Les dames, quoi. Les dames qu'on emmène sur les chemins, avec les cailloux qui mènent à la rivière, pour les piner sous les arbres. Pour les piner sous les arbres, ouais, boy. Bruno ? Oui. Alors, Mario Galaxy en joie. Et oui, le nouveau jeu de la célèbre série Mario sera traduit en joual pour le public québécois. Les mots fret, loqué, toué, moué pourront être lus dans les boîtes de texte. On pourra aussi lire des expressions comme « cette job n'est pas pantoute facile » ou « agrippe-toi, quel fun noir » et « hé, on a des bombes en masse, tu veux-tu t'en servir pour faire exploser les vidanges dans le coin? » Bruno, je t'aime. Enfin, quoi de plus humiliant que de se faire faire un wedgie dans la cour d'école? Eh bien, il semble que le cauchemar soit enfin terminé. Et oui, les jumeaux de 8 ans, Jared et Justin Serovitch, ont inventé le premier sous-vêtement anti-wedgie, le Ripaway 1000. En découpant le bas et les côtés et en ajoutant un peu de velcro, le malfaiteur se retrouvera avec la moitié des bobettes dans les mains lors de l'acte, laissant la réputation de la victime presque intacte et les couilles complètement. Enfin, sachez que la plupart des serpents peuvent continuer à mordre après leur mort, donc faites attention. Ah ben, c'est blindé, c'est mon gars, t'étais à la bonne place au bon moment. Damien Blas Bouchard, merci beaucoup. Ouais, j'aimerais ça rechanter une autre chanson, éventuellement, dans une autre émission. Ben, c'est sûr et certain, j'aimerais Damien, t'es vraiment tout ça. Ouais. Ben voilà, on aimerait les deux. Ben aujourd'hui, je voulais venir avec un pianiste, tout ça, sauf que j'ai manqué d'amis aujourd'hui. Mais tu vas voir, on va pogner mon frère, là, on va te faire un beau clip, Damien. Ouais, on va faire ça. Israël, tu voulais-tu dire un petit dernier quelque chose? Je t'aime. Bon, merci, moi aussi. On fait bien ça. On s'en va au Rocket, bien sûr, pour écouter du pop. Bon, en attendant, je vous laisse avec la dernière séquence du film. Vous allez voir, c'est Hector, le chef des Nox, qui parle. Il parle du challenge. On est à 70%, on transfère aux roquettes pour écouter du pas bon. Vous êtes bienvenus tout le monde, merci beaucoup. À la prochaine. Oui. All right. Les femmes et la guerre, telle est notre devise. Je vous ai réunis parce que vous avez l'opportunité d'être un Nox. Parmi les 12 qui êtes rassemblés autour de cette table, 2 seuls seront dignes de se joindre à nous. Les 2 plus forts, les 2 plus rusés, les plus féroces seront acceptés. Quant aux autres, ils demeureront des esclaves. Vous êtes ici de votre seul plein gré. Personne ne vous a obligé à participer à ce challenge. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore vous retirer. Vous avez 10 secondes. À vous la décision. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, c'est pas bon. Les veines me pètent dans le front. J'ai vraiment mal à mon excitation. Parce que j'aime ça. You know, come on, come, come. Hey yo, this is Elephant Man, the energy god. Let you know that you're in tune to shock. Hey yo, black, senorita, keeping it jiggy. Ladies, my dear, wind up your body, bring it to me right here. She got the finest body, I swear. It took for me to get back on the wagon of the weekend. I'll